بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن على plaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence chapitre du siyam par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum waktafa. Amma ba'da fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Histoire de procéder à la petite révision du cours dernier dans lequel on a pu voir à partir de quel moment commence le siyam et à partir de quel moment il se finit. Non, on avait pu voir yani, à qui incombe de jeûner le mois de Ramadan. On a pu voir à travers la parole du Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et parmi les ulama dont j'ai évoqué Kadalika, qui est le jeûne, il incombe à toute personne musulmane, mukallaf, c'est-à-dire qui est pubère et barlofi, comme qui a toute sa raison et qui a la capacité de pouvoir jeûner, et Kadalika, la personne qui est résidente. À toutes ces personnes-là, il incombe de jeûner le mois de Ramadan lorsque le mois de Ramadan se présente. Et on a pu voir pour cela qu'il y avait certaines catégories lorsqu'on a pu évoquer le type de personnes à qui incombe le jeûne qui sont exclues de jeûner. Parmi eux, comme il l'a dit Cheikh Al-Fawzan, les personnes à qui le jeûne de Ramadan il n'aurait pas imposé sur le moment, lakin il aura compte de rattraper le jeûne lorsque ils ont la capacité, ou plutôt lorsqu'ils ont la capacité, comme c'est le cas des femmes qu'ils ont, les menstruées et celles qui a accouché, elles nous fassent ça, ils appellent cela, jusqu'à ce que la coulée de sang s'interrompt. Et qu'à les cas, on a pu voir comme ceux à qui yani, le jeûne n'incombe pas du tout à Beden, c'est la personne qui est hajiz, la personne qui n'a pas la capacité de pouvoir jeûner, et ça de manière continue, comme c'est là le cas pour ce al-kabir fi sin, celui qui est âgé, et la personne qui a une maladie à laquelle va aboutir, si jamais il jeûne, une grande difficulté, peut-être même qui peut mourir pour cela. À ces personnes-là, il n'incombe pas de jeûner, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas à une âme au-dessus de sa capacité. On a pu voir qu'il y avait un khilaf dans ce sujet-là. Lakin as-sahih, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala comme قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Amma la ayat qu'ils ont pris certains ulama pour dire que il doit en compensation de cela donner de la nourriture, nourrir les pauvres. On a pu voir ça, c'était à travers le hadith de Salama ibn Akwa' radiyallahu ta'ala anhu dans Sahih Muslim, que ce verset là il a été abrogé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit faman shahida minkum shahra falyasum, celui qui à tasse du mois, il doit le jeûner. Donc la ayah dans laquelle il était dit وَعَلَى الَّذِينَ يُتَيَقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, et à ceux qui ont la capacité de jeûner, avant ils avaient le choix, c'est soit ils jeûnaient ou soit ils ne jeûnaient pas, mais en compensation de cela, ils devaient donner, ils devaient nourrir des pauvres. Donc ce verset-là, il a été abrogé. Donc une chose qui est abrogée, on ne peut pas le prendre pour en faire un jugement après qu'il a été aboli et abrogé. Donc l'avis qui est sahih, c'est que les personnes qui les personnes âgées ou bien les personnes qui souffrent d'une maladie qui va aboutir, si jamais ils jeûnent, à ce qu'ils subissent, ils ressentent une grande difficulté, ils ne doivent pas jeûner, Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la yukallifullahu nafsan ila wusaha. Wa fattakullaha mustata'atum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et ça c'est ma'ruf parmi les règles de la jurisprudence. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il avise les jugements et les ordonne et les adresse aux personnes qui ont la capacité de pouvoir y répondre. Si jamais tu n'as pas la capacité, tu es excusé. Et le fait que tu sois excusé, c'est une dérogation de ce jugement. On a pu voir Kadalika. Bon, je le fais comme à travers la parole de Sheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire le Moussafir, il n'a pas jeûné. Il faut plutôt, le Moussafir, il est libre de jeûner ou de ne pas jeûner. Si jamais il voit qu'il a la force de jeûner, il jeûne. Si jamais il voit que ça va être dur pour lui, il le délaisse, comme on a pu le voir à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au cas de la personne qui est sariah, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge du tamiz, l'âge de la distinction. Il ne lui incombe pas de jeûner car il n'a pas de niya. Au cas de le majnoum, celui qui est possédé. Au cas de le cas, lui, il n'a pas de niya. Au cas de le cas, il ne doit pas jeûner car son jeûne ne sera pas accepté, car il faut une niya. Il faut qu'il intentionne. Au cas de le mariage, on a pu voir le mariage, celui qui est malade. La maladie, elle se divise en deux. Une maladie qui va aboutir à une grande difficulté si jamais tu jeûnes, et une maladie qui est légère. La maladie légère, c'est ma'ruf, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, inda musafir, veut dire quoi musafir? Al-musafir. Al-musafir, c'est celui qui est en voyage. Le voyageur, le musafir. Comme on a pu voir, si jamais il est malade d'une maladie qui va aboutir à ce qu'il va ressentir une grosse difficulté, il ne jeûne pas. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yuridu Allah bikum al-yusra. Allah veut pour vous la facilité. Wa la yuridu bikum al-usr. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc s'il est malade, comme l'a évoqué l'imam Qurtubi, il dit ça c'est un jahil. Celui qui jeûne, il sait qu'il va se faire du mal à lui-même, même, il va ressentir une grande difficulté. Il dit yani cette personne-là, elle est ignorante. Elle est ignorante car il se fait du mal. Il se fait du mal. Mais si jamais il a jeûné, on dit que ça c'est makruh alayhi. C'est vraiment détestable ce que tu as fait car tu peux par cela t'affliger des choses qui vont avoir un impact sur ta santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes, ou plutôt l'islam, il ordonne de préserver la santé. Donc dans ce cas-là, il ne jeûne pas. Mais s'il a jeûné, son jeûne sera accepté. On dira que tu as commis un acte qui est détestable car tu as délaissé cette dérogation qui était possible. Parmi les masail qu'a évoqué Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il nous avait dit Cheikh Al-Fawzan, kada idha qamat al-bayyina bi dukhul ash-shahr fi athna' an-nahar fa inna al-muslimin yumsikuna bi baqiyat al-yawm wa yaquduna al-yawm alladhi ba'dahu. Et nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il avait évoqué, il dit kadhalika, ceux qui sont excusés, c'est ceux matalan qui n'ont pas jeûné car ils n'ont pas vu le croissant de lune, tamam. Là qui en pleine journée, ils ont vu le croissant de lune. Il nous dit à ces personnes-là, il incombe qu'ils s'abstiennent de manger à partir du moment qu'ils ont vu le croissant de lune, et ensuite ils doivent rattraper ce jour-là. On a pu voir que cet avis-là, c'est un avis qui n'est pas juste. L'avis qui est sahih, c'est que à partir du moment où ils n'ont pas vu le croissant de lune, et ensuite ils l'ont vu en pleine journée, à partir du moment où ils ont vu le croissant de lune, ils s'arrêtent de manger, et il continue, c'est-à-dire que il s'arrête de manger et il complète son jeûne. Et complétant son jeûne, il sera compté comme un jeûneur, il n'aura pas à recommencer. Le hadith qui nous prouve cela, celui qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ba'atha munadin an yunadi an man kana muftaran falyumsik aw yutim sawmahu wa qala man lam ya'kul fala ya'kul. Il avait dit lorsque c'était siyam ashura, c'était un siyam qui leur était obligé avant la venue de Siyam Ramadan, lorsqu'ils ont vu en pleine journée le croissant de lune, Nabi Sassam a envoyé une personne pour dire que celui qui avait mangé en pleine journée, qu'il se retire de manger et qu'il complète son jeûne, c'est-à-dire qu'il sera compté comme jeûneur. Et celui qui n'avait pas mangé, qui ne mange pas, donc ceci nous prouve que si jamais le cas arrive, cette exception-là elle arrive, ou cette circonstance-là elle arrive, tu dois t'abstenir de manger, tu te retire de manger et tu seras compté comme jeûneur et tu n'auras pas à rattraper ce jour-là. Ça, c'est l'avis qui est juste. Le Dali, il prouve cela. Même ceux qui ont évoqué d'autres choses, il y a un qui prouve leur avis et qui appuie leur point de vue. Ça, c'était les points les plus essentiels qu'on a pu voir à travers du cours. Les autres points, ils étaient simples. Alhamdulillah. Qala rahimahullahu ta'ala. قال ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل. Et nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il lui incombe qu'il intentionne de jeûner cette obligation qui lui est adressée, qui est Siyam Ramadan. Donc là, de ce paragraphe-là, il veut nous apporter que yani, le fait de jeûner, c'est une condition qui est requise afin que ton jeûne soit accepté. Et l'intention, comme c'est ma'rouf, c'est une condition qui est conditionnée à toutes les œuvres dans à l'islam. Et ce qui est voulu, Bartlafi, comme lorsqu'il dit qu'il doit intentionner, il est voulu pour cela trois choses, comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi sharhihi li Riyad al-Salihin, fi hadith innama al-a'mal bi-niyyat, le premier hadith de Riyad al-Salihin, dans son explication. Et il dit que intentionner une chose dans l'ibadat, ça demande trois choses. La première des choses, c'est que tu intentionnes cette ibadat. C'est-à-dire que tu intentionnes de faire une ibadat bien précise. Là, on te demande de jeûner en Ramadan. Si jamais tu intentionnes de jeûner, on va dire que Ramadan, il commence un jeudi. Tu intentionnes pour cela de jeûner la sunna du prophète sallam, qui est de jeûner, kazalika, le jeudi. Si jamais tu intentionnes cela, ton jeûne de Ramadan ne sera pas valide. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu intentionnes la ibadah que tu veux faire, que tu veux accomplir. Et il nous dit, kazalika, il faut qu'il intentionne qu'elle soit pour Allah azawajal et pas vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et kazalika, la troisième intention qui doit être comprise lorsqu'il intentionne, ou la troisième chose, c'est que lorsqu'il intentionne, il intentionne yani de faire une chose en se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est le cas de Siyam Ramadan, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْ وَحَدِيثُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ وَمِنْهُ شَهَدَتُهُ وَمِنْهُ يَنِي سِيَامَ رَمَضَانِ. Donc les preuves qui nous prouvent, yani, il y a des preuves dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Lorsque la personne se présente face à une ribada, qu'il le fasse de manière à ce qu'il soit soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, qu'il intentionne la soumission lorsqu'il accomplit une œuvre, afin que cette œuvre-là ne soit pas comme une coutume, comme une chose yani, qui est courante, qui fait, comme en suivant peut-être un essai père et mère pour cela. Donc il faut qu'il se soumette lorsqu'il est en train d'accomplir une œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait qu'il faut intentionner pour Allah Azza wa Jal, ceci est une condition qui n'est pas inconnue auprès de vous, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et pour autant, on ne leur a demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. وَكَذَلِكَ قَالُوا سُبْحَانَهُ وَقَالُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Les intentions selon, ou les œuvres selon leur intention. Yani, si jamais tu intentionnes une chose bonne, ou pour Allah azawajal, ton intention sera acceptée, et si jamais c'est l'inverse, non. Donc yani, par ces preuves-là et autres, qui sont nombreuses, ceci nous prouve que il faut intentionner l'œuvre pour Allah Azza wa Jal. قال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. N'appartient-il pas à Allah Azza wa Jal la religion de la sincérité, c'est-à-dire celle qui est vouée en exclusivité à Allah Azza wa Jal. Donc ceci nous prouve que toute œuvre doit être vouée pour Allah Azza wa Jal. Dans le cas contraire, celui مثلاً, qui recherche à travers son siyam une réputation ou bien une renommée, ou bien que les gens le louent, il ne fait pas ça pour Allah Azza wa Jal, mais pour avoir une part dans cette vie d'ici-bas, que ce soit as-salat, que ce soit zakat, que ce soit as-siyam, que ce soit n'importe quelle œuvre, il se sera empressé vers ce qui va annuler son œuvre, et il sera parmi les perdants, les grands perdants, yawm al-qiyamah, et les kuffars et les mushriks, si jamais il ne se repent pas auprès d'Allah Azza wa Jal avant qu'il meure. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى certes ne pardonne pas qu'on lui associe dans l'adoration, et il pardonne à quiconque en dehors de cela, c'était en dehors de l'association mineure ou bien majeure à la sahih. وكذلك قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe Allah عز وجل, et c'est certes Allah subhanahu wa ta'ala faqad harram Allah alayhi jannah. Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et voici yani une mauvaise wasa'at masira. Et quelle mauvaise destination. Wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-qudsi ana aghna shuraka 'an ash-shirk man ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkihi. Allah subhanahu wa ta'ala se passe qu'on lui associe d'autres que lui dans l'adoration. Celui qui associe Allah Azza wa Jal, celui qui associe avec lui autre que lui, Allah dit, yani, taraktuhu wa sharka, je délaisse et l'adoration qu'il aura vouée pour autre que moi. Donc ceci nous prouve, tamam, comme l'ont dit les ulama, que celui qui a associé Allah azawajal, tamam, sa destination est l'enfer, si jamais il ne se repent pas avant de mourir. Wa qala an-nabi sallam, man mata ashraka billahi shay'an dakhala an-nar. Celui qui, yani, au moment de sa mort, rencontrera Allah azawajal en l'ayant associé, se verra parmi les gens de l'enfer. Il se verra parmi les gens de l'enfer, yani, d'une durée éternelle. Il ne sortira jamais de l'enfer. Wa qala jalla wa ala, man yurid, man kana yurid al-ajilata, ajjalna lahu fiha ma nasha lima nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Celui qui désire par ses œuvres la vie d'ici-bas, que ce soit une renommée, que ce soit un salaire, que ce soit une réputation et autres, nous lui hâtons de lui donner ce que nous voulons et à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. Donc ceci nous prouve que la personne qui associe Allah Azzawajal, que ce soit dans Siyam ou que ce soit autre, dans les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, celui qui associe à autre qu'Allah Azzawajal verra sa destination en enfer et se verra parmi les derniers en enfer pour y brûler éternellement. Et même il y a un indice, ou plutôt cette ayah l'indique, que cette personne-là, vraiment, l'œuvre qu'elle fait, il court vraiment à sa perte. Et son œuvre, elle est vaine. Dans le sens, on veut dire par là que Allah il dit عَجَّلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَا نَشَاءُ وَلِمَنْ نُرِيدُ. Yani, l'amr, l'ordre, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Celui qui associe à un autre qu'Allah azawajal, il trouvera, que ce soit pour une réputation, une renommée ou un salaire, il trouvera ce salaire, cette renommée ou cette réputation que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc pourquoi se détourner de vouer l'adoration à Allah azawajal tout en sachant que la réputation ou la chose que tu es en train de rechercher en dehors de lui, elle est auprès d'Allah azawajal. Donc c'est vraiment, ça nous montre la sottise quand même et l'imbécilité de ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils associent à autre qu'Allah azawajal pour trouver une chose qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. La volonté, elle appartient à Allah azawajal. S'il veut, c'est lui qui t'accordera la chose que tu recherches en dehors de lui. Donc voilà, vraiment, une chose qui nous prouve سَخَافَةَ عُقُولْ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Quant à la deuxième chose qui doit être observée, c'est que, comme on a pu le voir, qu'il faut que cette adoration-là, yani, tu aies bien spécifié ce que tu es en train d'accomplir comme adoration. Est-ce une obligation? Est-ce une recommandation? Est-ce un siyam? Est-ce une salah? Tamam. Est-ce que tu es en train de rattraper une chose? Il faut que tu intentionnes cela. Comme on a pu le voir, même hatta on peut le ressentir à travers la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dans laquelle il dit: la budda an yanwiya as-siyam al-wajib min al-layl. Donc il est obligé d'intentionner le siyam qui est wajib. Lequel? Celui qui est Ramadan. Tamam. Il n'a pas dit qu'il intentionne le siyam, qu'il intentionne le jeûne. Il a bien dit le jeûne qui est obligatoire. Et comme c'est ma'aruf, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala et autres, il n'y a pas autre siyam qui est obligatoire aux musulmans en dehors de quoi? En dehors du siyam Ramadan. Non, en dehors du siyam de Ramadan. Et la preuve qui nous prouve cela, donc yani, la personne sera rétribuée en fonction de ce qu'il aura intentionné. Si tu intentionnes à travers ton siyam de te rapprocher à Allah Azzawajal par une chose qui est recommandée comme le siyam du lundi et jeudi, au siyam de Daoud et l'akhirihi, alors que c'est siyam de Ramadan, même, tu ne seras pas récompensé par rapport à siyam en Ramadan, et plutôt même tu auras commis un péché, car tu n'auras pas accompli et tu ne seras pas déchargé de cette obligation. Donc il faut que tu intentionnes cette chose-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera récompensé en fonction de ce qu'il aura intentionné. Donc il faut intentionner de jeûner Ramadan pour pouvoir être rétribué de la récompense de siyam Ramadan. Wa kadhalika, parmi les choses que nous a fait part Cheikh Al-Uthaymeen, la troisième chose, c'est que il intentionne la soumission à Allah Azawajal lorsqu'il veut accomplir cette œuvre-là, afin que cette chose-là ne devienne pas une chose qui est coutumière, qui fait cette chose-là tout en sachant qu'il est en train de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, yani, ça rentre un peu dans le fait que tu intentionnes le visage d'Allah Azawajal, c'est-à-dire la récompense d'Allah Azawajal. Tu intentionnes la récompense d'Allah Azawajal et le Jannah. Lorsque tu intentionnes cela, on sait, yani, que tu es en train de faire kaza leka, tu sais que tu es en train de te soumettre à l'ordre d'Allah Azawajal. Car tu ne peux adorer qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Parce que l'origine dans l'adoration, c'est qu'elle est interdite. Tu ne dois pas faire une adoration si jamais tu n'as pas de preuve. Donc si jamais tu as fait cette adoration-là, c'est que tu as une preuve qui t'a montré que tu dois la faire. Cette preuve-là, ensuite, elle peut différencier. Ça peut être une recommandation, ça peut être comme une obligation. Donc après, selon Yanni, la preuve, tu intentionnes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et ça fait partie des choses qu'il faut observer lorsque la personne intentionne une chose à laquelle elle veut s'acquitter et se décharger. قال رحمه الله تعالى قال ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل. Il veut nous dire par cela, الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, qu'il faut que l'intention soit faite avant le lever de l'aube, le deuxième aube, tamam? L'aube yani par lequel commence salat al-fajr. Il faut que tu intentionnes avant cette aube-là de jeûner le siyam de Ramadan. Car si jamais tu le fais après, ton intention ne te servira à rien et ton œuvre sera caduque. Donc il faut intentionner avant cela. Et qu'est-ce qui nous prouve cela? Hadith, innama al-a'mal bi-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les intentions, les œuvres sont leur intention et la personne sera rétribuée en fonction de ce qu'il a intentionné. Et c'est ma'ruf, as-siyam Ramadan, comme on a pu le voir au début du livre, il commence à partir de toulou' Yanam al-fajr, as-sadiq al-thani, à partir du lever du deuxième aube. À partir de ce moment-là, il est légiféré de jeûner, ou plutôt que le jeûne commence à partir de ce moment-là. Donc, Yanni, pour que tu intentionnes l'œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, il faut que ton intention précède l'œuvre. Et ça, c'est ma'ruf. Tu ne peux pas faire une œuvre et ensuite intentionner. Il faut que tu intentionnes, ensuite tu fais. Car les intentions sont selon les œuvres, ou les œuvres selon leur intention. Donc, ceci nous prouve que l'intention doit précéder l'œuvre. Donc, ça exige de cela que l'œuvre soit faite, ou plutôt l'intention soit faite avant. Comme le lever de l'aube. Car à partir du moment où ce sera fait après le lever de l'aube, le deuxième aube, cela ne servira à rien. Comme la personne qui veut intentionner de prier Salat al-Fajr après que le soleil se soit levé. Là, tu l'as sorti de son œuvre, donc là, ton œuvre ne sera pas acceptée. Et là, c'est la même chose pour Siyam. Le Siyam, il commence, et le Siyam que tu veux intentionner, il commence à partir du Fajr, à partir du deuxième aube. Donc il faut que tu intentionnes avant le deuxième aube, sinon ton œuvre sera caduque. Tamam. C'est pour ça qu'il nous l'a dit, Ashir, Khafidahullah Ta'ala. Yani, wala budan yanwi asiyam al-wajib min al-layl. À partir de la nuit, tu dois le commencer. C'est-à-dire, la nuit, ce qui est voulu par la nuit, c'est avant le lever du deuxième aube. Et ce qui nous prouve aussi, kadhalika cela, le athar qui a été rapporté par Hafsa, radiallahu ta'ala anha, wa kadhalika ibn Umar, dans lequel il dit, man lam yabit asiyam min al-layl, ou qabla al-fajr, fala siyam lah. Rapporté par Ashab al-Sunan, c'est-à-dire les Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et authentifié par Cheikhona Muhammad ibn Hizam, hafizahullahu ta'ala, fi kitabihi Ithaf al-Ayam. Donc, dans ce athar-là, Hafsa ibn Umar, radiallahu anhuma, nous dit que celui qui n'a pas intentionné de jeûner avant le lever du deuxième aube, son siyam est caduque. La siyam ala. Il n'aura pas de jeûne. Son siyam, il est caduque. Donc ceci nous prouve que c'est conditionné. Et le hadith, comme on a dit, innama al-amalu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il a plus cela que ceci est conditionné. Que tu dois intentionner de jeûner avant le lever de l'aube. Avant le lever du deuxième aube. Ensuite, il y a une mas'ala kadhalika qui est bon d'évoquer sur cela. Est-ce que, on sait que maintenant il faut intentionner avant l'aube. Est-ce que maintenant tu dois intentionner à chaque nuit que tu veux jeûner, yani le Ramadan, chaque yani journée de Ramadan que tu veux jeûner, est-ce que tu es obligé d'intentionner à chaque nuit pour cela? Les ulamas ont divergé sur cette mas'ala. L'avis qui est prépondérant et qui est juste, c'est qu'à partir du moment où tu as intentionné de jeûner à Ramadan, même si jamais tu n'as pas pour cela répété cette intention, toutes les nuits ou avant le lever du deuxième aube, celle-ci est suffisante. Car le Nabi Sassam, il a dit, innama al-a'malu bin-niyyat, les œuvres selon leur intention. Et toi, tu intentionnes par cela de jeûner à Ramadan. Lorsque la personne veut jeûner, ou plutôt lorsque Ramadan vient, il n'intentionne pas de jeûner 1, 2 jours, 5, 10 jours de Ramadan, il intentionne de jeûner le mois de Ramadan. Donc le fait qu'il intentionne cela, il intentionne de jeûner les 30 ou bien les 29 jours de ce mois-là. Les 30 ou 29 jours de ce mois-là. Donc ceci suffit. C'est une intention qui est suffisante pour que on puisse y aller. Qualifier son intention qu'elle est valable bien pour tout le mois de Ramadan. La plupart des ulama, ils voient que tu dois intentionner toutes les nuits. Toutes les nuits, tu dois intentionner, sinon ton jeûne ne sera pas valide. Lakin, ils n'ont pas de preuve pour cela. Et la parole qui est précédée, qu'il faut faire précéder, c'est celle du prophète sallam dans laquelle il dit innamal a'mal bin niyyat. C'est le cas pour le hajj. Le hajj est composé de plusieurs ibadat. T'as le tawaf, t'as le sa'i, t'as tawaf et le fardah, t'as beaucoup de choses, le fait de dégorger et l'akhirihi. Toutes ces choses-là, lorsque tu fais le hajj, tu intentionnes cet ensemble-là. Lorsque tu intentionnes de faire le hajj, d'une manière générale. Donc ceci est suffisant, ceci est suffisant, car le hajj, c'est une ribada qui comporte plusieurs choses. Kadal Kassiyam, c'est une ribada qui comporte 29 ou bien 39 jours de jeûne. Donc il te suffit de jeûner, plutôt d'intentionner le jeûne dans Ramadan, et cela sera suffisant. Et ça, c'est la parole ou l'avis de l'imam Malik, ou kadalika, l'imam au Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis qui est juste. C'est l'avis qui est juste. Donc, comme l'a dit Sheikh, ou plutôt, comme on va lire, qala rahimahullah ta'ala, فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلى بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله تعالى. Il nous dit, si la personne elle a intentionné le jeûne et elle ne s'est pas levée, même avant le lever du, plutôt avant le lever du deuxième aube, il nous dit, dans ce cas-là, il s'abstient de manger et son siyam sera sahih. Son siyam sera sahih parce que, comme on a pu le voir, à partir du moment que tu as intentionné de jeûner le mois de Ramadan, il n'était pas conditionné d'attentionner toutes les nuits de jeûner la journée que tu vas faire. Amma, ceux qui voient que tu dois intentionner toutes les nuits, c'est-à-dire que si jamais tu as dormi avant, ou plutôt si jamais le lever de l'aube, il s'est levé avant que tu aies pu intentionner, ton jeûne il sera invalide. Il sera invalide. Au cas d'aller, parmi les choses qu'il est bon d'ajouter, c'est que l'intention elle est dans les cœurs. Et ça, c'est bijma' al-a'imma, bijma' al-ulama, comme a dit le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il nous dit que l'emplacement de l'intention, c'est dans le cœur. Ceci veut dire que celui qui prononce à haute voix son intention, je vais jeûner, ou plutôt j'intentionne de jeûner cette journée, ceci, cela avant l'aube, ceci est une bid'a, c'est compté comme une bid'a, car la place de l'intention, elle n'est pas sur la langue. Aller dans le cœur. Il suffit d'intentionner dans ton cœur et ceci suffit. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd." Celui qui œuvre d'une manière qui n'a pas été légiférée, qu'on n'a pas légiféré, son œuvre sera rejetée. Donc là, il y a le fait que tu intentionnes à voix haute, c'est une chose que barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ni kadhalika al-khulafa al-arba', les quatre califes, et ni les sahaba d'une manière générale, tamam. Donc le fait de faire ça fait partie des bid'a. Ça fait partie des bid'a, car le Nabi Sallam il l'a pas fait. Le fait de te rapprocher d'Allah Azzawajal avec une chose que le Nabi Sallam il l'a pas fait, ceci est qualifié et naram d'une bid'a. Ceci se définit par la définition de la bid'a. Et hatta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit que ça rentre kadhalika le fait que tu murmures. La personne qui murmure son intention, c'est pas le fait qui la fait à voix haute. Le fait que tu la murmures, de voix basse, ou bien que tu la fasses à voix haute, kazaleka, tout cela c'est une bid'ah, l'intention elle est dans le cœur. L'intention elle est dans le cœur, bittifaq, al-ulama kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et kazaleka, il nous dit que les personnes qui intentionnent ces genres de choses-là, ça nous montre un peu qu'ils ont une petite part de. Ils ont un peu de wasawis. Car si jamais vraiment tu sais que ton intention elle est dans le cœur, pourquoi tu la prononces? Pourquoi tu la prononces? C'est parce que tu as un doute que tu as intentionné. Ça c'est la maladie qui touche les personnes qui sont touchées par la maladie des waswas. Ils doutent de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils l'évoquent à voix haute afin de s'assurer et de s'affirmer eux-mêmes qu'ils ont fait cette intention-là. Donc il n'y a pas besoin de faire cela. Il suffit que tu intentionnes, même il suffit que tu fasses ces choses-là. Lorsque tu fais une chose, tu n'es pas majdoun, tu n'es pas possédé, tu l'as fait avec une intention. Tu l'as fait avec une intention qui m'a réchir. Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala nous dit dans le hadith innamal a'malu bin niyyat, ce hadith là nous prouve que toute personne qui fait une chose l'a fait avec intention, car lorsque tu fais une chose tu l'as fait que par intention, par désir, et c'est que le possédé qui fait une chose sans intention. Et kadhalika nous dit Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les personnes qui intentionnent leur chose à voix, leur ibadat à voix haute, il nous dit cela nous prouve que c'est une bid'a dans le din et khifatun fil aql. Il dit ces gens là c'est des gens qui sont qualifiés par une faiblesse d'esprit. Il dit parce que lorsque tu ces personnes-là veulent manger. Lorsque tu veux manger, tu intentionnes de manger. Est-ce que lorsque tu veux manger, tu dis, je vais tendre mon bras pour prendre une bouchée de pain, une bouchée de repas, je veux manger, et ceci, cela? Non. La personne, elle prend la fourchette et elle mange. Bismillah, elle mange. Kazaleka, il dit, la personne, lorsqu'elle veut œuvrer, kazaleka, il suffit qu'elle se présente à lèvres et à la face. Et pas obligée d'élever la voix. Donc, comme on n'intentionne pas à voix haute de manger, kazalika, tu n'intentionnes pas à voix haute de faire ta ibada, car cela montre yani une faiblesse d'esprit, comme a dit le cheikh et l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. Il nous dit, Cheikh, حفظه الله تعالى, il dit qu'il est recommandé à la personne, lorsque elle est vraiment sûre que le soleil s'est couché, qui rompre son jeûne à partir du moment où il a lui-même témoigné de cela, c'est-à-dire que il a vu le soleil se coucher, ou bien une personne l'a informé, ou bien elle a entendu l'adhan, ou autre chose qui nous montre que le soleil s'est couché. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est recommandé d'empresser la rupture du jeûne à partir du moment que tu es sûr que le soleil s'est couché, comme l'a dit al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala. Car il nous dit, lorsque, à partir du moment que tu rentres dans une adoration avec certitude, tu peux sortir de cette adoration que par certitude. Il y a une certitude qui en est que tu as achevé cette adoration-là. Tu as achevé cette adoration-là. Ça, c'est mon qa'ida qui est ma'rufa. Lorsque tu rentres dans une intention, il y a dans une adoration avec certitude, tu dois en sortir de cette adoration-là avec certitude. لِأَنَّ الْفَرْضْ إِذَا لَزِمَ بِيَقِينَ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ بِيَقِينَ. En arabe, ça donne cela. L'obligation, lorsque tu rentres dans une obligation, avec certitude, tu peux en sortir qu'avec certitude. Et la preuve qui nous prouve cela, qu'il faut que tu attendes que le soleil s'est couché, tamam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir, thumma atimmu siyama ila al-layl. Ensuite, accomplissez votre jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Et nous dit, la nuit a commencé à partir du coucher de soleil. Ça, c'est une chose qui est ma'rouf. وكذلك الحديث كي بروف سلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. Parce que la nuit commence à venir de ce côté-là, c'est-à-dire de l'Orient, et que la journée a commencé à disparaître du côté de l'Occident, وغربت الشمس, et à partir du moment que le soleil s'est couché, il dit فقد افطر الصائم. Le jeûneur a rompu son jeûne. Le fait que Nabi Sallam dit, à partir du moment où le soleil s'est couché, c'est-à-dire que tu dois avoir la certitude que le soleil il s'est couché. Donc ça, c'est la première des choses par laquelle tu peux rompre ton jeûne, à partir du moment où tu as la certitude que tu l'as vu, le soleil se coucher. Au cas les cas, il nous dit, Shir, hafidhahullah ta'ala, ou alors, il y a une grande présomption que le soleil s'est couché. Tu n'as pas la certitude, tu es dans les pays comme c'est Marouf, Hatta au Yémen, ou plutôt dans la capitale qui est Sana'a, il y a des édifices. Les édifices, ils te permettent pas, c'est dans à certains endroits de Sana'a, de pouvoir voir l'horizon. Donc dans ce cas-là, il te suffit d'avoir une grande présomption que le soleil s'est couché pour pouvoir rompre ton jeûne. La certitude, elle n'est pas à observer dans tous les cas. Mais lorsque tu as une forte présomption, la forte présomption apprend l'emplacement de la certitude, comme huwa ma'ruf dans les règles de la jurisprudence. El Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous ramène l'ijma' que à partir du moment que le soleil s'est couché, c'est à partir de ce moment-là qu'il est légiféré de pouvoir rompre le jeûne, et ça c'est différent des Shi'a comme on a pu l'évoquer, ceux qui voient que tu dois rompre le jeûne à partir du moment où la lune elle apparaît, et c'est pour vous montrer que les ulama ils prennent pas en considération l'avis des Shia, qu'ils soient d'accord avec nous ou bien qu'ils soient en désaccord. Parce qu'il a dit à l'Ijmer, il a ramené l'unanimité des savants, ils sont tous d'accord que tu dois rompre le jeûne à partir du coucher de soleil. Mais il sait que les Shia, ils ont divergé par rapport à cela. Mais le fait que ce sont des gens qui sont connus, ou plutôt leur avis, ils ne sont pas à prendre en considération, donc il n'a pas pris en considération, il a fait comme si la Umma, elle était tous unanime, les savants de la Umma, ils étaient tous unanimes et tous en accord par rapport à cela. Donc, on ne prend pas en considération la parole des Shia dans les sujets de jurisprudence. Car leur parole, yani, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est la même chose. Parce que ce n'est pas des fuqaha, ce n'est pas des jurisconsultes. C'est des gens qui ont bâti leur jurisprudence et leur dîn sur le kadhib et sur le mensonge et sur des points de vue et des idéologies. Quant au fait de rompre le jeûne par une forte présomption, Ça, c'est la vie de la plupart des ulama. Certains des ulama, ils voient que tu dois être sûr. D'autres, ils voient que si jamais tu as une forte présomption, ça suffit et ça va remplacer la certitude. Et la preuve qui nous prouve cela, hadith Asma, fil Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans lequel elle nous informe, قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. Dans lequel elle nous dit que une fois ils ont rompu le jeûne pendant l'ère de la prophétie, c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم était parmi eux, et ensuite il y a un jour où il y avait des nuages ou bien une chose qui l'empêche de pouvoir voir si jamais le soleil s'est couché, un brouillard ou autre, des forts nuages. Puis après, lorsque les nuages sont partis, ou bien plutôt le brouillard est parti, ils ont vu qu'en vérité le soleil ne s'était pas couché. Donc il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui m'a fait charh mumti', fi zad al-mustaqni', il nous dit, ceci nous prouve qu'ils ont bâti leur. Et plutôt, ils se sont contentés pour rompre leur gêne, il y en a une forte présomption. C'est-à-dire qu'ils avaient. Ils voyaient que le soleil s'était couché, donc c'est pour cela qu'ils. Ils pensaient que le soleil s'était couché, c'est pour ça qu'ils ont rompu le jeûne. C'est pour ça qu'ils ont rompu le jeûne, mais après cela, ils ont vu que le soleil ne s'était pas couché. Donc ceci nous prouve qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas fait ça avec science, avec certitude que le soleil s'est couché, mais avec une forte présomption que le soleil s'était couché. Ensuite, après cela, ils ont pu voir que ce n'était pas le cas. Donc ceci nous prouve, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, que si jamais tu as une forte présomption à partir du moment que tu n'es pas sûr, si jamais tu es sûr, tu ne dois pas laisser place à la présomption. Si jamais tu n'es pas sûr, tu as une forte présomption pour cela. Yani tu fais précéder la forte présomption et tu romps ton jeûne, inshallah ta'ala. Amma si jamais, comme c'est le cas, tu romps ton jeûne et ensuite tu romps ton jeûne, t'as rompu ton jeûne et ensuite tu vois que le soleil, en fait, il ne s'est pas couché. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Tu t'arrêtes de manger, t'as même jusqu'à ce que le soleil il se couche. Et le dalil qui nous prouve cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, thumma atimmu siyam ila al-layl. T'as même de compléter et accomplir le siyam jusqu'à la fin de la nuit. T'as même ila al-layl, jusqu'à la nuit. Donc à partir du moment que le soleil ne s'est pas couché, comme on a vu à travers la parole de Ibn Abdul Bar, qui nous dit que le soleil, ou plutôt la nuit, commence à partir du moment où le soleil se couche. Donc il faut que le soleil se couche pour que tu puisses rompre ton jeûne. Donc à partir de ce moment-là, tu t'abstiens de manger et tu ne dois pas recommencer, car le fait que tu fais une chose avec un effort d'interprétation, tu t'es trompé, tu es excusé. قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. Au Seigneur, ne nous réprimons pas si jamais on a oublié ou bien on s'est trompé. Donc si jamais tu te trompes, Inch'Allah, tu t'abstiens de manger, t'attends que le soleil se couche, et ensuite tu peux rompre ton jeûne, Inch'Allah, t'auras pas besoin pour cela de recommencer le jeûne, comme c'est le cas de celui qui a oublié. Celui qui a oublié, pensait, il a bu de l'eau sans faire exprès, même, il n'a pas recommencé son jeûne, et là c'est le même cas. Qala, wa rahimahullahu ta'ala. Donc il nous dit, lorsque il a évoqué pour cela, pour les choses par lesquelles on peut juger que tu avais une forte présomption, à partir du moment qu'une personne t'a informé, tu as une personne qui est de confiance, ou bien tu as entendu l'adhan, ou autre chose. C'est-à-dire que l'adhan, ce n'est pas de manière générale. Si jamais tu sais que le mot adhan, c'est quelqu'un qui a une science, qui a une science des horaires de prières, lui, na'am, si jamais tu l'entends faire l'adhan, même si toi, tu n'as pas vu le soleil se coucher, tu prends en considération son adhan, inshallah, parce que tu sais que lui, il ne fait l'adhan du Maghrib que lorsque le soleil s'est couché. Amma, comme c'est le cas des Shia, ces personnes-là qui ne respectent pas correctement les horaires de prière, tu les vois faire le adhan du Fajr 20 minutes avant. Tu les vois faire le adhan du Asr 20 minutes avant. Donc ces gens-là, si jamais tu sais que c'est un masjid de Shia, je te conseille pas de t'entendre l'adhan, je te conseille pas de rompre ton jeûne à l'entente, ou lorsque tu entends le shi'a faire l'adhan, abadan. C'est des gens qui ne sont pas connus, qui ont une science des horaires de prière. Donc c'est mieux que pour cela que tu vois, tu as une autre preuve pour cela, qui te permet de pouvoir jeûner. Ou tu sais à quelle heure ton frère le mu'adhin de confiance il fait l'adhan. Tu sais à quelle heure il fait, lakin tu n'es pas là, tu n'es pas dans l'endroit où il se trouve, lakin tu as une montre. Tu sais qu'à cette heure-là, le mu'adhin, il fait le adhan, yani, dans ta mosquée plutôt, dans ta ville. Donc à partir de ce moment-là, quand t'as les cas, t'as une preuve, t'as une chose qui te permet de pouvoir jeûner, plutôt de pouvoir rompre ton jeûne. Donc tu utilises tous les moyens pour cela, qui sont exacts, même, pour pouvoir rompre ton jeûne, car comme il le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est une chose qui est très recommandée. Et ce qui nous prouve cela, c'est comme il l'a évoqué, حفظه الله تعالى عن قال فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Il dit dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens ne cesseront d'être dans le bien à partir du moment qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Donc ceci nous prouve qu'il faut s'empresser de rompre le jeûne car il y a dans cela un khair, un bien pour nous. Il y a un bien pour nous, il faut rompre le jeûne et il faut s'empresser pour cela. À partir du moment qu'il a fait l'adhan, khalas. N'attends pas qu'il finisse. Rompre ton jeûne, Inch'Allah, ou si jamais tu as vu le Shams, n'attends pas qu'il fasse nuit totale avant de rompre ton jeûne, comme on va le voir, car ça fait partie de la sunnah des prophètes, et il y a une divergence dans le fait de faire cela. Tu te différencies des Yahoud et des Nasara. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fima yarwi an rabbihi azza wa jal, inna habba ibadi ilayya a'jalahum fitara. Yani les serviteurs qui sont les plus aimés auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, les serviteurs qui sont les plus aimés auprès de moi, ce sont ceux qui empressent la rupture du jeûne. Lakin ce hadith-là, qui est rapporté par Ahmed et Tirmidhi, il n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Et Hatta yani, il a été qualifié de faible par Sheikh Salim al-Hilali, hafizahullah ta'ala, dans son charh de Riyad al-Salihin, Buhdatu al-Nadirin. Car il y a dans cette chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle Qurra ibn Abd al-Rahman et la plupart des savants de la longe et de la critique Jarh wa Tahdid, ils ont vu que ce rapporteur-là il était faible. Et ces rapports, ces récits ne sont pas à prendre en considération. Donc ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc mettez une annotation, ceux qui ont le livre, que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Il a été qualifié de faible par Cheikh Salim al-Hilali et dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est qualifié de faible ou dont yani, la plupart des savants de la critique et de la louange, ils l'ont qualifié de faible. Et les autres, il y a d'autres hadiths kadhalika qui nous cela qui n'a pas été cité dans le livre. Donc on va rajouter le hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporté par Abu Daoud rahimahullahu ta'ala dans lequel le prophète sallam dit la yazalu an-nas لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الحديث الذي authentifié par شيخنا محمد بن حزام حفظه الله تعالى. Dans ce hadith là, il nous a dit que un abîme nous dit les gens ne cessera d'être en évidence tant que les gens empresseront le pas lorsqu'ils veulent rompre le jeûne, car les Yahoud et les Nasara ils retardent le jeûne. Kadhalika al-Shi'a qui sont les frères des Yahoud. Qui sont les frères des Yahoud, dans lequel je veux dire par là que Ma'ruf, yani al-Shi'a, qui est maintenant, tu ne trouves pas vraiment les Shi'a qui étaient à l'époque, lorsque tu dis Shi'a, tu peux dire même Hatta al-Rafida, Ma'ruf, que ces personnes-là, yani, leur dîne a été fondée par un juif, Abdallah ibn Saba, al-Yahoudi, c'était un juif. Donc regardez encore une ressemblance qu'il y a entre les Yahoud et le Rafid. Le Rafid, il retarde le jeûne. Jusqu'à l'apparition des étoiles, comme le font les juifs et les chrétiens. Donc il faut se différencier des juifs et des chrétiens, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui s'identifie à un peuple, il est semblable à ce peuple. Et quels mauvais peuples sont les Yahoud ou les Nasara, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّانِينَ, ceux qui ont couru ta colère, dévie-moi du chemin de ceux qu'ils ont encouru ta colère, qui sont les Yahoud, et les égarés, qui sont Al-Nasara. Ces qualificatifs suffisent amplement aux musulmans afin qu'ils s'écartent yani, de la voie des Yahoud et des Nasara, car c'est une voie qui te mène vers la perdition et vers l'égarement. Donc il faut se différencier d'eux, et donc empresser le pas et empresser la rupture du jeûne, et non pas la retarder comme le font certains personnes âgées yani, dans les mosquées. Ils attendent totalement que l'imam il a fini la prière du Maghrib ou bien alors le Adhan, ensuite il rompt le jeûne. Et ça, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir au hadith, dans lequel il est dit que le dîn ne cessera d'être apparent, pourquoi il a été dit que le dîn ne cessera d'être apparent à partir du moment que les gens empresseront la rupture du jeûne, comme l'a dit l'imam al-Manawi, rahimahullah ta'ala, fi al-Fayd al-Qadir, il nous dit car cela fait partie de la sunna des messagers. Donc celui qui observe et préserve cette sunna-là, c'est clair qu'il va se comporter du comportement des prophètes et des messagers qui avaient pour objectif et pour naam coutume de mettre en avant le dîn. Donc tant que tu feras ça, c'est-à-dire que tu vas te comporter comme les prophètes et les messagers les personnes qui, par leur sunna et par leurs actes et leurs paroles, y mettaient en avant et en apparence même la religion. Amma si jamais tu délaisses cette chose-là, ce suivi des prophètes, tu vas par cela faire naître et faire apparition, ça va donner naissance et apparition à la bid'a, comme c'est le cas des shi'a, ceux qui retardent la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles. Donc ceci en est, comme l'a dit le prophète, c'est, ça fait partie de la chose que faisaient les Yahoud et les Nasara. Donc si jamais tu délaisses cette sunna là, c'est clair que tu vas retarder la rupture. Donc le fait de retarder la rupture, ça va donner naissance à la bid'a, qui va donner disparition à la sunna et au din, kadrika, à la sunna et au din. Donc c'est pour cela que ça fait partie des choses qui donneront toujours de la koua à la religion, le fait de mettre en avant les sunnah, le fait de mettre en avant et en apparence les sunnah des prophètes. Donc voilà pourquoi il y a dans le fait d'empresser la rupture du jeûne une chose qui va donner, ou plutôt une cause qui va donner une forte apparence à la sunnah. Parmi les dalils kadhalika qui nous prouvent qu'il faut empresser le jeûne, ou plutôt la rupture, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne lui a dit, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à une personne, انزل فاشدح لنا فقال له إن عليك نهرا إن عليك نهرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا فعاد عليه فقال له امسيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abi Ofa, Abu Ibrahim, dans lequel il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne, descends, si jamais tu descends, prépare-nous un inbouya, prépare-nous un repas afin qu'on puisse rompre le jeûne. Cette personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, et si tu attendais la tombée du soir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété en lui disant, descends. Et il lui a dit, naam, descends, et prépare-nous de la bouillie. Il a répété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété jusqu'au moment où il a dit, enzil fajdah lana, descends, et nous prépare-nous une bouillie ou un repas afin qu'on puisse rompre le jeûne. Donc ceci nous prouve que Nabi Sassam, il avait l'intention que d'empresser le pas, d'empresser la rupture du jeûne, parce qu'il lui a dit, prépare-nous la bouillie afin qu'on puisse rompre le jeûne. Wa kadha lika hadith Aisha, dans lequel, lorsque des gens sont venus la voir, ils lui ont dit, un tel, il retarde le jeûne, et il retarde la rupture du jeûne et le maghrib, la salat du maghrib, et un tel, il empresse la salat du maghrib et la rupture du jeûne. Aisha radiallahu ta'ala, radiallahu ta'ala anha, elle a dit, lequel d'entre les deux, Naham, empresse la rupture du jeûne et la prière du Maghrib? Ils ont dit, c'est Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, faqalat, akada kana nabi sallam yasna. C'est ainsi que le prophète sallam y faisait. C'est-à-dire qu'il empressait la rupture du jeûne et la salat du Maghrib. Donc la sunna, c'est de faire cela, d'empresser la rupture du jeûne et kazalika, la salat du Maghrib. Et ça, c'est la sunna du prophète sallam. Le hadith a été authentifié et rapporté par Muslim, rahimahullahu ta'ala. قال رحمه الله تعالى وسنة أن يفطر على رطب. Il dit la sunna, c'est que il rompt son jeûne avec des dates, avec des dates qui sont pas sèches, des dates qui sont un peu molles, qui ont, comme c'est le cas à peu près, il y en a des d'Aglen Nour, les dates qu'on peut trouver en Algérie, dans lesquelles il y en a, ils sont de très bonne qualité, ou quel est le cas, les dates de Medina. قال وسنة أن يفطر على رطب, avec des dates qui sont bonnes, molles. قال فإن لم يجد فعلى تمرين. Si jamais il trouve pas, il prend n'importe quel type de date. فإن لم يجد فعلى ما. S'il trouve pas, donc il prend pour rompre son jeûne de l'eau. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطب. فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. تمام. Dans ce hadith là qui n'est pas authentique, تمام, qui est rapporté comme on l'a pu l'évoquer, dans ce hadith-là, avant d'évoquer l'authenticité, il est dit dans ce hadith que le prophète sallam avait pour coutume, lorsqu'il voulait rompre le jeûne, de le rompre avec des dates qui sont molles, ratabat. Si jamais il ne trouvait pas ça, il prenait n'importe quel type de date. Si jamais il ne trouvait pas des dates, il prenait une gorgée d'eau pour cela. Il se suffisait de prendre une gorgée d'eau pour cela. Le hadith, il n'est pas authentifié. Ce hadith-là, il n'est pas authentifié, qualifié de faible, barfafikum par naham. Plutôt, il a été authentifié par Cheikh Mokbel et Kadalika Cheikh Al-Albani Hafizahullah Ta'ala. Lakin, de ce hadith-là, il y a un défaut qui a été trouvé par Cheikhuna Mohammed ibn Hazam, dans lequel les deux savants des Hilal, c'est-à-dire de la science des défauts des hadiths, comme c'est le cas des imams Dar Qutni ou Abu Hatim, Rahimahullah Ta'ala, Rahimahumullah, ils ont dit que ce hadith-là, Il a été rapporté par Dar-Razak, c'est le shir de l'imam Ahmed, tamam. Et ce hadith-là, il a été rapporté que par cette personne-là. C'est-à-dire, lorsque tu réunis toutes les versions de ce hadith-là, tamam, tu réunis yani, tous les, comment dirais-je ça, riwayat, les versions qui ont été évoquées, tu verras que tout ça passe par ce rapporteur-là qui est Abdel-Razak, et nous dit Dar-Qutni wa Abu Hatim, hadhihi ou hadhihi riwaya khata'un, wa la nadri min ayna akhadha hadha Abdel-Razak. Ils nous disent que ce hadith-là, c'est une erreur. Et on ne sait pas d'où a pris ce hadith-là, l'imam Abdel-Razak. Et ce qui est connu dans la science du hadith, c'est à partir du moment que les grands imams du hadith, ceux qui étaient connus pour la science des défauts des hadiths, à partir du moment qu'ils jugent une chose, yani, qu'elle a un défaut, ils disent, yani, c'est mieux que tu prennes là en considération leur parole. Car ces gens-là ne parlaient pas avec passion, mais parlaient avec science et avec, barakatoufikoum, khibara, avec expérience. Donc ces personnes-là qui avaient pour coutume de côtoyer certains rapporteurs, ils savaient ce que le rapporteur avait appris et ils savaient ce que le rapporteur n'avait pas appris. Comme c'est le cas, مثلاً, yani, dans le talab al-ilm, yani, si jamais tu as un compagnon dans le talab al-ilm, tu sais ce qu'il a appris, tu sais à peu près ce qu'il n'a pas appris. Et ces personnes-là sont plus amenées et plus à même de nous dire ce que cette personne a appris, ou plutôt il y en a des choses qu'il a mal appris, et la khirihi, tamam. Donc le fait qu'ils jugent que l'imam Abdel-Razak, il ne savait pas d'où ils avaient pioché ce hadith-là, d'où il avait pris, tamam, c'était ma'rouf, et ils avaient à peu près le même mashayikh, ils avaient à peu près kadhalika le même hadith. Donc il nous dit, ce hadith-là, on ne sait pas d'où il a pioché, ceci nous prouve que, wallahu a'lam, il y a un défaut dans ce hadith-là, même si jamais d'apparence la chaîne de transmission, elle est fiable. Lakin, ce qui est plus, ce qui est préférable, c'est de juger que ce hadith-là, il n'est pas authentique, afin de ne pas dire une chose que le prophète sallam a dit. Et celui qui dit une chose que le prophète sallam n'a pas dit, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, qui s'assigne une place en enfer. Donc, il faut prendre des précautions par rapport à cela. Une chose dans laquelle il y a un doute, c'est mieux que tu délaisses le doute. دَعْ مَا يَرِبُكْ إِلَى مَا لَا يَرِبُكْ, laisse la chose qui provoque en toi un doute et fait la chose qui dans laquelle il y en a, tu as une certitude, tamam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ça, c'est plus juste que tu sois épargné de cette grande menace. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu qu'il a déjà fait ça, tamam, il a déjà fait cela. Lakin, est-ce que c'est une sunna qui est coutume au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qu'on peut voir à travers le hadith qu'on a pu voir juste avant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il a rompu son jeûne avec quoi? Avec une bouillie, tu vois, avec une bouillie. Ceci nous prouve que c'est pas forcément des tamr. Si jamais tu peux le faire, c'est mieux. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad al-Ma'ad, il nous rapporte yani qu'il y a une grande hikmah dans le fait de rompre le jeûne, même si jamais le hadith pour cela yani, il y a un doute par rapport à son authenticité. Il nous dit que néanmoins il y a dans les dates et kadhalika dans l'eau une grande hikmah, tu vois, et des grands profits et une grande vertu pour celui qui a jeûné. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, il y a dans le fait de rompre le jeûne avec des dates une sagesse qui est voulue pour cela. C'est que lorsque la personne qui jeûne, qui a le ventre un peu vide, il y a le repas qui lui est plus approprié afin de rompre le jeûne, c'est que ce soit une sucrerie. Il dit que ce soit une sucrerie, et il dit la date, c'est la sucrerie qui lui est plus appropriée. Car il dit que non seulement il y a dans ce fruit-là une sucrerie, tamam, mais il dit qu'à l'écart, c'est un aliment énergétique, un aliment énergétique et profitable à la vue et qu'à l'écart, au corps. Et il nous dit qu'à l'écart, dans la date, il y a, surtout il nous dit dans les dates qui sont à Médine, tamam, qui sont les meilleures dates, surtout Al-Hajwa, il dit la date de très bonne qualité, celle qui est un peu noire et tamam, ma'rouf, Al-Hajwa. Et il dit dans ces dates-là, les dates qui sont connues à Médine, il dit il y a dedans. C'est une sucrerie, c'est un repas. C'est yani tu trouves dedans yani beaucoup de choses. T'as même un repas, un fruit, une sucrerie. T'as même c'est un complément. Dans une petite bouchée de date, il y a beaucoup de compléments. C'est comme si jamais c'était un repas. C'est comme si tu mangeais. T'as dedans une sucrerie qui va redonner un peu de force. Et t'as dedans un fruit dans lequel tu vas trouver un délice qui va t'ouvrir l'appétit, qui va t'ouvrir l'appétit. Il dit quant à l'eau, il dit elle est appropriée qu'à tel écart pour rompre le jeûne. Car il dit lorsque la personne a jeûne, son rein, il se déshydrate. Même son rein, il se déshydrate. Et il dit, l'eau, lorsqu'il boit et rompt son jeûne, ça va hydrater son foie. Donc ça, c'est des conseils au niveau de santé qu'il ne faut pas négliger, Inch'Allah. C'est connu, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a même un livre dans cela, la médecine prophétique. C'était quelqu'un qui avait une science dans ce domaine-là. Il dit, il est mieux pour celui qui est assoiffé. Et tu reçois une soif et tu ressens T'as faim, tamam. Il est assoiffé et en même temps, il est affamé. Il dit le mieux pour celui-là, c'est qu'il débute par une petite gorgée d'eau et ensuite, il entame sur un repas. Il dit c'est mieux de faire précéder cela, car ton foie, il va ressentir une forte déshydratation, donc il faut que tu l'hydrates. Et t'as pour cela le fait de boire une petite gorgée d'eau, ensuite tu prends le repas. Il dit, rahimahullah ta'ala, il y a dans l'eau et dans la date une spécificité que tu ne vas pas trouver en dehors de ces deux choses-là pour rompre le jeûne. Car il dit, kada, les cas dans l'eau et la date, il y a une influence, l'eau et la date, ils ont une très bonne influence, même sur la sainteté du corps. Et la sainteté, kada, les cas, du cœur. Il dit, chose, il y en a qui est ignorée chez certains médecins, mais qui n'est pas ignorée chez les médecins des cœurs. Et c'était Ma'rouf, Hatta'ani, parmi les surnoms de Sheikh, l'imam Ibn Qayyim, rahimahou ta'ala, c'était le médecin des cœurs. Donc ça, c'est un petit conseil au niveau de santé que nous donne l'imam Ibn Qayyim, rahimahou ta'ala, à ne pas négliger, inshallah. Même si jamais le hadith, il y a un doute par rapport à le fait qu'il est authentifié ou pas, lakin, au point de vue médecinal, au point de vue santé, il est bon de faire précéder la date ou bien une gorgée d'eau. Ou bien ce que tu trouves. Inch'Allah, comme on a pu le voir, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une bouillie pour rompre son jeûne. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in lam yajid rutban wala tamran wala ma'an aftar ala ma tayassara min ta'am wa sharab. Si jamais il trouve ni les dates qui sont mal rutab, ni une date ou bien ni de l'eau, donc dans ce cas-là, il rompt son jeûne avec n'importe ce qu'il trouve parmi les aliments ou bien parmi les boissons. Qala rahimahullahu ta'ala wa huna أمر يجب التنبيه عليه. Il nous dit, il est important qu'on souligne une chose. قال وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد. Il nous dit une chose qui est bon de souligner et qui est un peu répandue chez certains déjeuners, les gens de la main surtout, c'est qu'ils vont retarder la salat du Maghrib pour cause, ils se justifient pour cela qu'il faut qu'ils mangent et tout ça, ils ont faim. Mais ils dépassent dans cela, c'est qu'il prend, hatta c'est même plus, il va rompre le jeûne, c'est un dîner qu'il est en train de prendre. Le but c'est que tu rompes le jeûne, et ensuite tu pries. C'est pas que tu prennes un dîner, tu prends pour les aliments pour cela, une chose qui va te suffire afin que tu sois concentré dans la prière, que tu sois concentré dans la prière, car comme on a pu l'évoquer dans les cours de la description de la prière, il fait partie de la valeur de la prière d'être concentré dans la prière, d'être concentré dans la prière. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, lorsque le repas il est posé, de faire précéder le repas au fait de manger. Ça, c'est une chose qui est mustahab, c'est une chose qui est, barakallahu fikum, qui est recommandée. Comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque le repas il est posé, et que la prière, ou plutôt l'appel à la prière, à joindre les rangs est fait, commencer par le dîner et ensuite il dit que la personne ne se presse pas pour cela. Tu ne dois pas te presser, tu manges avec, tu manges un nez doucement, mais ce n'est pas que tu dois un nez pour cela, kazalika, louper toutes les prières de Ramadan. Et la personne elle va dire, bon voilà, j'ai un hadith avec moi, donc je suis excusé de ne pas pouvoir prier salat al-jama'a. Là, tu dois prendre pour cela al-iftar, c'est-à-dire, il n'a pas dit Nabi sallam iftar, il n'a pas dit plutôt yani al-aja, il n'a pas dit dîner, il a dit al-iftar, le fait que tu rompes le jeûne, la rupture du jeûne. Donc tu prends pour cela quelques dates, tamam, ou bien naham yani avec toi quelques un peu de comment ça s'appelle, des aliments, afin que lorsque tu pries, tu sois concentré dans ta prière, tamam. Tu sois concentré dans ta prière, et alhamdoulillah, généralement les gens lorsque c'est Ramadan plutôt, naham dans les prières du Maghrib, yani ils s'étalent pas. Ils prennent les sourates qui sont courtes pour cela, et ensuite la personne retourne vers son repas. Donc Yanni, ça c'est une chose, Yanni qui est bon, qui l'a souligné. Parce que là, il est en train de délaisser une obligation pour une chose qui est recommandée. Même si jamais tu as le droit pour cela, là, ce qui est voulu ici, c'est que tu prennes, c'est une petite rupture. Tu manges un tout petit peu, histoire que tu sois, concentré dans la prière. Hatta la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela, comme on a pu le voir à travers le hadith d'Aïcha, dans lequel lorsque les deux personnes, il y en avait un d'entre eux qui retardait le Isha, qui retardait le Maghrib, et la rupture du jeûne. Et l'autre, il faisait, ils s'empressaient de rompre le jeûne et de prier la prière du Maghrib. Aïcha l'a dit, lequel d'entre eux, il empresse la rupture et la prière du Maghrib, ils ont dit, c'est Ibn Mas'ud. C'est ainsi que le prophète sallallahu faisait, c'est-à-dire que lorsqu'il était en train de rompre le jeûne, et Annie, c'est pas, il n'a pas pris pour cela une cause afin de retarder la prière en commun de l'Isha, de comment ça s'appelle, le Maghrib, tamam. la prière du Maghrib. Le Mouadzin, il ne s'empresse pas, tamam. Le Maghrib, alhamdoulilah, son waqt, tamam, il est large, tamam. C'est pas le Maghrib, il ne dure pas 5 minutes. Son waqt, il est large, donc même si jamais il retarde pour cela, le Maghrib de 10 minutes afin que les gens prennent le repas, ou prennent yani, de leur rupture du jeûne, un repas suffisant pour qu'ils puissent être concentrés dans la prière, ils doivent le faire, kazalika, tamam. Le ta'awun, il est wajib et il est kazalika, il est demandé dans les deux côtés. Que ce soit du côté de celui qui a jeûné, kazalika al-mu'adhin, tamam. Kazalika al-mu'adhin, il s'en presse pas, il laisse le temps que les gens, ils rompent le jeûne avec une chose qui va les permettre d'être concentrés dans la prière. فقال رحمه قال حفظه الله تعالى فيترك أو فيرتكب بذلك خطأ عظيمة. Il nous dit lorsqu'il fait cela, c'est-à-dire qu'il retarde et délaisse la prière en commun du Maghrib, il nous dit il a fait une grande erreur. وهو التأخر عن جماعتي في عن الجماعة في المسجد. C'est que il va retarder la prière en commun dans la mosquée. ويفوت على نفسه ثوابا عظيمة. Et il se voit pour cela, il se prive à lui-même une grande récompense qui est le fait de prier en commun, comme l'a dit le Prophète sallam, yani celui qui prie en commun, sa prière yani sera de 25 degrés ou 27 degrés. Tamam. قال ويعوضها أو يعرضها للعقوبة. Et dit كذلك, il expose sa personne au danger et كذلك à la sanction, car comme l'a évoqué l'imam, ou plutôt Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qui fait partie des sunan al-huda, tamam, de prier avec les musulmans, de prier avec les musulmans. فقال رضي الله تعالى عنه وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Si jamais vous délaissez, il nous dit la prière en commun fait partie des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous délaissez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez vous égarer. لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Si vous délaissez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez vous égarer. Tamam. Donc il se expose sa personne à l'égarement et kadalika à la sanction yawm al-qiyamah, parce qu'il a délaissé une obligation, tamam. Il a délaissé pour cela une obligation. Qala wal mashru' lis-sa'im an yuftira awwalan. Il nous dit ce qui est légiféré pour le jeûneur, c'est qu'il rompe son jeûne. Thumma yadhhab lis-salat. Ensuite il prie. Thumma yata'asha ba'da dhalika. Et ensuite il prend son repas. Tamam. Donc le fait de rompre son jeûne, c'est pas de prendre un repas complet avec une entrée, un plat de résistance et un dessert et le thé, ensuite tu te lèves pour aller faire la prière. Hatta ana, la personne va se lever si elle se lève pour aller à la prière, elle va se lever avec paresse. Tamam. Elle va se lever avec paresse. Prends un peu de dattes qui vont te redonner un peu d'énergie. Tu pries avec le cœur, Inch'Allah, présent. Et ensuite, tu reviens. Tu manges, yani, jusqu'à ce que tu sois, rassasié. Et qu'à dans les cas, un petit indice par rapport à cela, c'est marouf que pendant Ramadan, les gens, ils ont un peu une tendance à préparer de manière excessive. Donc, Inch'Allah, il ne faut pas rentrer dans la ayah. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Ceux qui gaspillent sont les frères des shayatin. Donc, yani, préparer un repas suffisant, Inch'Allah, et afin de ne pas faire du gaspillage. Donc, il y a rien, attention au gaspillage pendant le Ramadan. Car la personne, si jamais elle jeûne, comme on a pu le voir parmi les hikam, les sagesses du jeûne, c'est que tu ressens ce que ressent le pauvre dans sa vie quotidienne. Donc, à partir du moment que tu sais que cette petite bouchée de pain, peut-être que tu vas jeter à la poubelle, ça aurait pu être profitable à un pauvre. Donc, il faut que tu saches, il faut que ce jeûne-là, il te soit profitable dans le sens où que tu ne gaspilles pas, car tu sais que la personne qui ressent la faim, tu sais maintenant à présent ce que ressent la personne pauvre et année pendant sa vie quotidienne. Donc le fait de gaspiller, tamam, ça va au contraire de la chose à laquelle appelle le siyam, qui est de préserver la nourriture, tamam. Donc Inch'Allah, ça c'est un tanbi à observer et à se préserver de ne pas gaspiller pendant les nuits de Ramadan et kazalika pendant les autres nuits. قال ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلّي يعني يفعل partie كذلك des choses qui sont recommandées, que lorsqu'il rompt le jeûne, tamam, lorsqu'il va rompre le jeûne, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il veut parmi les doigts. قال لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ما ترد. Il dit que le jeûneur, lorsqu'il va rompre son jeûne, il a une invocation qui ne sera pas rejeté. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. Je l'avais évoqué dans les bienfaits et les vertus du jeûne, dans lequel Cheikh Al-Albani l'avait authentifié dans un de ses livres, et dans un autre de ses livres, il n'a pas authentifié. Et on a pu voir Kadhalika barakallahu fikum, j'ai pu voir à travers la parole de Cheikh Mughbil wa Kadhalika Cheikh Al-Muhammad bin Hizam, qu'ils n'ont pas qualifié de ce hadith-là d'authentique. Lakin, il y a un autre hadith qui nous prouve, il y en a cela, qui est le bon d'invoquer lorsque tu vas rompre le jeûne. Hadith Abu Huraira, qui est rapporté par Ibn Majah, dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل الصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفع الله سبحانه وتعالى إلى تطفية الحديث par Cheikh Mokbel رحمه الله تعالى dit trois catégories de personnes dont leur invocation ne sera pas rejetée. Parmi eux, le gouverneur qui est juste, le jeûneur lorsqu'il va rompre son jeûne, ou le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, et celui qui a été l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève vers lui. Donc yani, al-shahid, ce qui nous prouve cela, la parole du prophète qui dit le sa'im hatta yiftar. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que tu es en état de jeûne, jusqu'au moment où tu vas rompre ton jeûne, tu as là c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce tes doigts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te rejette pas tes doigts. Lakin, pour cela, il faut emprunter les choses qui sont légiférées afin que tes doigts ne soient pas rejetés. Hein? Car la personne qui rompt les liens de la parenté, parmi les autres choses qui. Le fait que tu manges le haram et que tu bois du haram, tamam, ou bien alors que lorsque tu invoques d'une manière qui n'est pas convenable, et bien tout cela, ce sera des causes qui vont faire que ta da'wa allait rejeter, même si jamais tu es jeûneur. Donc il faut éviter les choses qui vont faire que ta invocation, elle sera rejetée. Hein, elle sera rejetée, et parmi cela, le fait de rompre les liens de parenté, et le hadith, yani le ma'ruf par rapport à cela, est authentifié par Cheikh Mokbel, rahimahullahu ta'ala. Donc ce hadith-là n'est pas authentique, lakin, il y a un autre hadith qui est authentique, et qui nous prouve même que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup meilleur. À partir du moment que tu es jeûneur, jusqu'au moment où tu vas rompre ton jeûne, tu es, cela c'est une cause, pour que tes doigts soient invoqués. Donc, Inch'Allah, il ne faut pas négliger cela, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qala wa min ad-du'a al-warid an yaqul, et parmi les choses qui a été rapportées parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. Wa ala rizqika aftart. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ce que tu m'as donner comme risque, tamam, que je romps le jeûne. Et qu'à ce hadith-là, il n'est pas authentique. Tamam. Il n'est pas authentique. Il a été qualifié de faible par notre shir, Mohammed ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala. Qala wa rahimallah ta'ala, wa kana sallallahu alayhi wa sallam, iza aftara yakul, zahaba dhamma, wa batalat al-uruq, wa thabata al-ajru, insha'Allah. Ce hadith-là, qui a été rapporté par Abu Dawud et autres, de ce hadith-là, il n'est pas authentifié. Il n'est pas authentifié. Car il y a dans la chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle Marwan ibn Salim et qui est majhoul, qui est inconnu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas si jamais c'est une personne qui est qualifiée d'une bonne mémorisation ou pas. Donc il n'y a pas une chose bien précise qui a été légiférée pour cela. Lakin, il te suffit de dire Bismillah, comme cela est connu, quand on a besoin de Ya Olam, Samillah, Wakun Biyaminik, Wakun Mimayarik, au jeune homme. Dis Bismillah lorsque tu manges, mange avec ta main droite et mange devant toi. Donc ça c'est la chose qui est légiférée, c'est que tu dises Bismillah. Donc il n'y a pas une chose qui a été légiférée pour cela. Wa Nabi sallam yaqul inna Allah yarda al-'abd idha akala an yahmadu Allah 'alayhi. Kadhalika lorsque tu finis le repas, tahmadu Allah subhanahu wa ta'ala, tu loues Allah azza wa jalla de t'avoir comblé de ce repas-là. Donc au début tu dis Bismillah et lorsque tu as fini tu dis Alhamdulillah, et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et l'agré. Donc à ne pas délaisser. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah ta'ala wa hakadha yanbaghi lil muslim an yata'allama ahkam as-siyam wal iftar waqtan wa sifatan hatta yu'addiya siyamahu 'ala al-wajh al-mashru' al-muwafiq li sunnati rasulillah sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. Kadhalika yudinakum au muslim qu'il s'instruit sur les règles qui sont relatives à as-siyam. Et kadhalika au moment à la rupture du jeûne. As-siyam est la rupture du jeûne, que ce soit yani, par rapport aux horaires du siyam ou bien à la description du siyam. Il doit prendre tout cela afin qu'il puisse yani, faire son siyam de la manière dont il a été légiféré, qui correspond à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qala hatta yakuna siyamuhu sahihan wa amaluhu maqboulan inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela afin que son œuvre soit acceptée et qu'elle soit valide auprès d'Allah, qu'elle soit valide et qu'elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna dhalika min ahammi al-umur. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathiran. Yani ça fait partie des choses qui sont les plus importantes, tamam, de connaître yani comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, Tu dois l'adorer sur clairvoyance, toi-même, comme l'a dit l'imam Mohammed rahimahullah ta'ala, lorsqu'ils ont dit, yani par quoi on commence le talab al-ilm, il a dit, yani par les choses que tu as besoin pendant tes journées et pendant tes nuits. Donc yani les nuits qu'on va, inshallah, qui se présentent à nous, ce sont les nuits de Ramadan, et c'est bien de faire précéder la science à al-amal kama qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawl wa al-amal, la science doit précéder les actes et les paroles. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, na'am fa'alam annahu la ilaha illallah, sache que il n'y a d'autre divinité qui mérite d'être adorée en toute vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci nous prouve qu'il faut faire précéder la science aux œuvres, il faut faire précéder la science aux œuvres, et ceci yani le fait que tu vois que ton amal il corresponde à la sunna du prophète sallam, c'est une condition qui est conditionnée afin que ton œuvre soit acceptée. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, celui qui œuvre d'une manière qui n'est pas légiférée, son œuvre sera rejetée. Et كذا les cas barakallahu fikum, a ajouté min bab al faida, parmi les choses qu'il est bon de dire, kazalika, ou plutôt de faire et de s'empresser de faire, de s'encourir à faire, c'est de faire rompre le jeûne à une autre personne. Car il y a là, dans le fait de faire cela, une grande récompense. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء. Il dit, celui qui va faire rompre le jeûne à un jeûneur, il aura la même récompense que celui qui a jeûné, sans pour autant que ça va diminuer la récompense du jeûneur. Lakin, tu vas pour cela avoir à peu près la même récompense que celui qui a jeûné. Donc si jamais tu jeûnes et en plus tu fais rompre le jeûne à quelqu'un, c'est comme si jamais tu avais jeûné deux fois dans la même journée. Wa qala kadhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui est bien d'observer, barakallahu fikum, c'est que na'am, lorsqu'une personne te fait rompre le jeûne, que tu lui fasses cette dua là pour lui. Kama jaa zalika min hadith Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه, dans lequel le Nabi sallam yani na'am ja ila Sa'd ibn Ubadah faja بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه, رواه ابو داود, c'est un hadith qui est sahih. Dans lequel nous a dit que une fois le Nabi sallam est venu vers un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Ubadah, il est venu avec du pain et de l'huile. Et il a mangé. Ensuite, le prophète sallam, il a dit quoi? Il a fait une dua pour lui. Il a dit, aftar indakum as-saimun, que les jeûneurs rompent leur jeûne auprès de vous, wa akal ta'amukum al-abrar, et que ce soit les vertueux qui mangent vos repas, wa salat alaykum al-malaika, et il a demandé pour eux que les anges prient sur eux, que les anges prient sur eux. Donc voici les choses auxquelles on appelle nos frères et sœurs à observer kadhalika pendant le jeûne. Ne pas seulement rompre son jeûne, mais dans le cas de faire rompre le jeûne à autre personne, car il y a là, tu as la même récompense que celui, Inch'Allah, qui a jeûné, et en plus de cela, la personne qui connaît cette dua-là va te faire une dua pour toi. Donc voici à peu près année ce que contenait le cours d'aujourd'hui. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala qu'il émette dans ce cours une baraka, wa yaj'al fihi khalisatan li wajhihi, qu'il soit sincère pour lui, subhanahu wa ta'ala. Si, Inch'Allah, il y a des choses qui n'ont pas été claires par rapport au cours, sinon on se contente de cela. Si personne n'a des questions pour cela, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Inch'Allah. Faute d'un participant 20, c'est mieux dans la religion, du coup, de rompre avec l'âge, ou juste mieux pour la santé. Yanni, c'est mieux, c'est clair et net pour la santé. Et au niveau du din, ils ont pris au fait le hadith Yanni, comme parce que le Prophète, il a ordonné cela, le fait de rompre avec des dattes ou bien avec de l'eau. Et qu'à laquelle est venu de la sunna que le prophète sallam il avait fait, yani lui-même. Lakin le hadith dans lequel il est dit que le Nabi sallam il a ordonné cela, barakallahu fikum, il n'est pas authentique. Et le hadith dans lequel le Nabi sallam il a fait cela, qu'à zalika, il n'est pas authentique. Certains des ulama, comme c'est le cas de Sheikh Mughbal, de Sheikh Al-Albani, naham rahmatullahi alayhima, ils voient que ce hadith-là est authentique. Yani certes, la chaîne de transmission d'apparence elle est authentique. Lakin, yani certains des ulama, tamam, des défauts du hadith, ils ont pu trouver un défaut sur ce hadith-là qui est que l'imam Abdel Razak Sanhani rahimahullah ta'ala, ils disent que ce hadith là c'est une erreur de sa part, et ce hadith là il n'est connu que de lui et on ne sait pas d'où il a pris ce hadith là. Donc yani, au niveau de la religion, ça n'a pas été une sunna, lakin au point de vue santé, ça c'est clair net, comme l'a prouvé l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc wallahu a'lam, ça c'est un avis vers lequel moi je penche. Tamam. Lakin, certains ulama, ils voient que c'est, ça fait partie de la sunna. Ils voient que ça fait partie de la sunna. Lakin, comme on a pu le voir, lorsque tu as un doute dans une chose dans la religion, c'est mieux que tu délaisses le doute et tu prennes la chose qui est de certitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies l'intention, si jamais tu vois le même qawl que je vois et le même qawl que voient les imams Dar Qutni, wa kadhalika Abu Hatim et Sheikhuna Muhammad ibn Hizam, hafizahuma, ou plutôt rahimahumullahu ta'ala. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas faire une chose dans la religion à partir du moment qu'on sait que cette chose-là a été authentifiée. Si jamais tu as un doute, c'est mieux de délaisser le doute. Car Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit: celui qui dit sur moi une chose que je n'ai pas faite, ou plutôt dite, qu'il se prépare une place en enfer. Donc on préfère se préserver de cela et ne pas dire une chose qu'on a un doute, est-ce que si jamais ça est authentifié ou pas. Donc il faut faire un effort de recherche par rapport à cela. Lakin, wallahu a'lam, le mieux c'est de s'en tenir à ne pas penser que c'est une sunna. À moins que tu le fasses, t'as le droit. Le fait que tu le fasses, t'as le droit. Mais penser que c'est une sunna, c'est mieux d'éviter de penser cela. Est-ce une autre question? Je vois que la main, elle est toujours levée. Inch'Allah. Jazakum Allah khairan, Inch'Allah. Afiikum barakallah. Allah ybarak fikum. Shukran ala al-hudur wa ala al-sabr. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaktub dhalika al-majlis khalisatan liwajhihi wa yanfa'ana bihi يوم لا ينفع مال ولا بنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين